On les appelle les yakuza, les gangsters japonais. Mais pas des gangsters comme les autres. Ceux-là sont généralement ultra-nationalistes, car ils entendent incarner les plus vieilles traditions japonaises, et vous, un véritable culte à la maison impériale. Hommes de main, macros, maîtres chanteurs, briseurs de grève, ils ont largement profité, après la capitulation de 1945, de la politique de l'occupant états-unien, qui avait besoin d'eux pour faire face à la menace communiste. Les yakuza sont donc devenus incontournables, de plus en plus présents dans de larges pans de l'économie du pays. Ils ont aussi infiltré les partis politiques et surtout le PLD, le Parti libéral-démocrate, qui exerce le pouvoir depuis plus d'un demi-siècle. Cet entrisme, comme on dit chez les trotskistes, a été rendu possible par les Kurumaku, des parrains à la japonaise, de richissimes personnages, hommes d'affaires et faiseurs de rois. Entendez, faiseurs de premiers ministres, des hommes de l'ombre qui servent d'intermédiaires entre la pègre et la classe politique. L'un des plus connus s'appelait Yoshio Kodama, un criminel de guerre, ancien espion, qui a fait fortune avant la Seconde Guerre mondiale en pillant la Chine occupée par l'armée japonaise. Après avoir passé un peu plus de 2 ans en prison, ce personnage d'extrême droite, déjà à boucher avec les yakuza, passe au service des Américains, continue à faire des affaires et consacre une partie de sa fortune à créer le parti conservateur PLD et hisse au pouvoir son ami Nobusuke Kishi. Mais en 1976, il est rattrapé par un énorme scandale qui jette une lumière crue sur les rapports entre le monde des affaires, les politiciens, les yakuza et la CIA. C'est cette histoire que M. X entend raconter aujourd'hui. Yoshio Kodama a toujours nié la rumeur qui le présentait comme étant le vrai chef des yakuza. Bah oui, il était difficile de faire autrement. Certes, que de nier, sans doute n'était-il pas ce chef, mais il a collaboré avec les yakuza une grande partie de sa vie. Et surtout, il n'a eu de cesse d'essayer d'unifier les différents gangs pour en faire un outil efficace sous couvert d'organisations patriotiques contre l'opposition de gauche et les communistes. Mais il a réussi ? Parfois. Mais chaque famille de yakuza était jalouse de son indépendance et il était difficile de les fédérer. Toutefois, Kodama a souvent joué les arbitres lorsqu'un conflit menaçait entre les gangs. Oui, parce que la division nuit aux affaires. Hein. Naturellement. Alors les affaires, justement, pour les industriels occidentaux qui veulent pénétrer le marché japonais, Kodama est un intermédiaire idéal, tant par son influence sur le parti conservateur que par les excellentes relations qu'il entretient avec les gangs de yakuza. Il faut vous rappeler en effet ce que je vous disais la semaine passée. Les yakuza ne se contentent pas de contrôler les activités illégales. Ils s'intéressent aussi beaucoup au monde des entreprises et ça n'ira qu'en augmentant au fil des années. Et oui, c'est yakuza l'a chargé de faire taire les petits porteurs au cours des assemblées générales d'actionnaires. Des voyous, ouais. Qui font aussi chanter les dirigeants des grandes entreprises, coupables de malversations ou de manœuvres frauduleuses. Et ils sont nombreux à verser ainsi leur dîme aux yakuza. Mais on en reparlera, parce que les Sokaya, ainsi qu'on les appelle, vont intervenir dans cette histoire. Voilà, on continue. Kodama est donc un personnage très précieux quand on veut commercer avec le Japon. Effectivement. Mmh. Alors, venons-en, si vous voulez bien, à l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Vas-y. À la fin des années 1950, l'avionneur américain Lockheed est très désireux de vendre son chasseur Starfighter F-104 au gouvernement japonais. Mais il y a concurrence. Un autre avion, quoi. Oui, je crois que c'était le Goman F-11, un rival très sérieux. Lockheed confie donc à son représentant à Tokyo, un certain Hull, la tâche d'imposer le Starfighter. A souligné que ce Hull est alors épaulé par son adjoint, un ancien agent de renseignement japonais, qui collabore maintenant discrètement avec la CIA. Ah, mais ça peut être utile, ça. Très certainement, oui. Et comment procède ce Hull, alors? C'est logiquement. Il fait appel à une agence de relations publiques. Oui, pour mener une action de lobbying. Et une campagne de presse en faveur du Starfighter. Et pour ce faire, il choisit une société dirigée par un homme, Taro Fukuda, qui a longtemps vécu aux États-Unis. Ce Fukuda, interprète de métier, avait même obtenu la nationalité américaine. Mais lorsque les autorités états-uniennes s'étaient aperçues que l'interprète en question avait collaboré pendant la guerre avec le gouvernement japonais en Mandchourie occupée, il avait été décidé de lui retirer sa citoyenneté américaine. Ouais. Et considéré donc comme criminel de guerre, il avait même été emprisonné après la capitulation de 1945. Oui, mais si je vous entends bien, lui comme les autres a été rapidement libéré. Oui, comme vous le savez, le proconsul MacArthur a été très tolérant avec ces hommes pourtant responsables d'innombrables exactions dans les pays qu'ils avaient occupés. Mmh. Oui, mais une tolérance qui s'explique par les débuts de la guerre froide. Hein. Et parce qu'on avait besoin des compétences très spéciales de tous ces types dans la lutte contre le communisme. Enfin, inutile d'y revenir. Nous avons longuement évoqué ce point dans la première partie de cet entretien consacré au Japon. L'important pour l'interprète Fukuda, c'est qu'en prison, il fait la connaissance de Kodama. Les deux hommes se lient. Et c'est le Kuromaku qui lui avance des fonds pour créer son agence. Aussi, quand Fukuda est approché par le représentant de Lockheed, il en parle presque naturellement à son ami. Mais parce qu'il espère que Kodama pourra sans doute lui donner un coup de main. Bah évidemment. Et il s'empresse d'annoncer à Hull, le représentant de Lockheed, que s'il y a un Japonais capable d'obtenir l'achat de Starfighter par le gouvernement, c'est à coup sûr son ami Kodama. Et c'est ainsi que le Kuromaku devient le conseiller secret de Lockheed. Mmh. Pourquoi secret? D'une part parce que Kodama ne tient pas à apparaître au grand jour. Et d'autre part parce qu'il veut que les commissions qui lui seront versées en cas de succès ne soient pas officiellement déclarées. D'autant qu'il n'ignore pas qu'il devra distribuer des pots de vin pour obtenir satisfaction. Tout ça doit donc se faire dans la plus grande discrétion. Et en liquide, bien sûr. Forcément, mmh. Oui. Et Kodama se montre efficace aussi. Oui, il fait jouer toutes ses relations politiques. Ce n'est pas très difficile, puisque le Premier ministre est alors Nobusuke Kishi, un homme qui lui doit son poste. Il fait aussi intervenir deux autres membres influents du PLD, deux politiciens qui sont, comme par hasard, eux aussi très proches des Yakuza. Et finalement, l'instance japonaise chargée de l'achat de matériel militaire choisit le Starfighter de Lockheed au détriment du Grumman. Mm-hmm. Kodama a donc un succès complet. Hein. Et il ne fait nul doute qu'il a dû toucher à cette occasion une très belle commission, en dehors même de la mensualité que lui versait Lockheed. Mmh. Jusque-là, enfin, à part peut-être les pots de vin que Kodama distribuait à ses amis politiques, il n'y a rien de vraiment scandaleux. Ça s'appelle quand même du trafic d'influence. Mais enfin, vous avez raison, ça se pratique malheureusement tous les jours et dans nombre de pays. Dans les années qui suivent, Kodama demeure le salarié occulte de Lockheed, alors même que l'avionneur n'a pas grand-chose à lui demander. Ah oui, mais un conseiller aussi précieux, ça se bichonne, c'est ça? Parfaitement. Et au cours de cette décennie 60, le Kuromaku s'occupe toujours de fédérer les gangs de Yakuza et de les transformer en organisations patriotiques d'extrême droite. Une besogne délicate qui finira d'ailleurs par échouer. Et surtout une besogne qui ne lui rapporte pas grand-chose. Aussi, lorsque Lockheed se décide à faire de nouveaux appels à lui, Kodama est ravi. Alors, de quoi s'agit-il cette fois-là? Toujours de la vente de nouveaux chasseurs-intercepteurs, mais Kodama va échouer. Pour quelle raison? Si le PLD est toujours au pouvoir, les hommes, eux, ont changé, et certains de ses proches amis y sont morts. Il est donc moins influent. C'est certain. Mais agissant toujours à la manière des Yakuza, il menace clairement le premier ministre de l'époque, Esaku Sato. Il lui envoie une lettre ouverte qui dit à peu près ceci. Si ceux qui ont la charge de commander les avions de combat du Japon étaient soupçonnés de corruption, il faudrait les dénoncer et condamner sans pitié leur immoralité. Pardonnez-moi l'expression, mais il ne manque pas d'air. Hein. N'est-ce pas? Et ça ressemble de toute évidence à une manœuvre de chantage. C'est-à-dire, achetez les avions que je vous propose, sinon je vous accuserai publiquement. Oui, c'est à peu près ça. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit que c'était une façon d'agir typique des Yakuza. Toutefois, le Premier ministre Sato ne cède pas. Mais Kodama n'est pas homme à renoncer aussi facilement et il revient à la charge auprès de l'un des ministres les plus importants du gouvernement, Kakue Tanaka, futur premier ministre et qui s'occupe alors du portefeuille stratégique du commerce international et de l'industrie. Oui, un homme clé donc. Et il s'agit toujours de vendre des chasseurs? Non, parce que le marché a échappé définitivement à Lockheed. Mais l'avionneur états-unien a aussi des avions civils à vendre, des avions de transport. Des Tristar, il me semble. Mm-hmm. Pour Lockheed qui traverse une passe financière difficile, l'achat de ces appareils par une compagnie japonaise serait une véritable aubaine. Mais là encore, la concurrence est rude. Deux autres entreprises américaines sont sur les rangs. Il y a d'abord Boeing, qui va bientôt sortir son Jumbo. Ouais, le 747. Oui, et aussi McDonnell Douglas qui propose son propre modèle, le DC-10. Alors pour emporter l'affaire, Lockheed est disposé à payer grassement Kodama s'il réussit à emporter le marché. L'avionneur nord-américain met des millions de dollars sur la table. Pour Kodama, mais également pour graisser la patte de tous les intermédiaires capables d'influencer la prise de décision. Enfin, l'essentiel, vous le comprenez bien, c'était d'obtenir un contact privilégié avec le puissant ministre Tanaka. Et pour ce faire, Kodama va se mettre en relation avec un Kuromaku encore plus riche que lui, et qui est surtout l'ami intime de Tanaka. Revenons un peu en arrière. Dans la newsletter du réseau Voltaire, j'ai trouvé une biographie de Kodama présentée comme étant le Yakuza de la CIA. J'en extrais ces quelques lignes. La plupart des criminels de classe A sont libérés après avoir purgé à peine 2 années de prison à Sugamo. Ryoshi Sasakawa, il s'agit d'un autre parrain japonais, dira plus tard que son séjour à Sugamo fut des vacances offertes par le bon Dieu. Ce n'est pas Yoshio Kodama, l'un de ses compagnons de cellule, qui le contradira. Ces années d'emprisonnement lui ont permis d'écrire 2 livres, « J'ai été vaincu » et « Journal de Sugamo », et d'établir des contacts avec d'autres criminels de classe A qui auront un rôle décisif dans la construction, encadrée par les États-Unis, de la démocratie japonaise. Il côtoie notamment le futur Premier ministre, Nobusuke Kishi, ancien ministre des munitions du gouvernement de guerre du général Tojo. En lui rendant sa liberté, le G2, c'est-à-dire le service de renseignement de l'armée américaine, fait de Kodama un agent particulièrement puissant. Avant d'être arrêté, il a confié son immense fortune à un autre leader de l'extrême droite, Karuko Tsuji. Le trésor de guerre va être investi dans la fondation d'un grand parti de droite, le Parti libéral, qui, en fusionnant en 1955 avec le Parti démocrate, deviendra le Parti libéral démocrate, organisation politique qui dirigera le Japon pendant un demi-siècle. Alors, qui est ce nouveau Kurumaku, là? Il s'appelle Kenji Osano. Et notez-le bien, c'est l'un des principaux actionnaires de la Japan Airlines. Ah, ce qui ne pouvait qu'intéresser Kodama pour vendre ses tristards de chez Lockheed. Eh, naturellement. Mais Osano avait bien d'autres cordes à son arc. Ce type avait accumulé les succès en affaires. À tel point que dans la presse, on l'appelait la caisse ambulante. La caisse ambulante, c'est pas tout à fait flatteur, ça. Oui, mais enfin, Osano n'en avait cure. À la longue, il avait bâti un véritable empire. Il possédait des sociétés de travaux publics, des stations de ski, des clubs de golf, des compagnies de taxi, des banques, ou encore des chaînes d'hôtels. Mmh. Et politiquement, lui aussi penchait à l'extrême droite, comme les autres Kurumaku dont vous m'avez parlé? Il était incontestablement de droite et contribuait à alimenter généreusement les caisses du PLD, le Parti conservateur. Mais il ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier. Mmh. Et à l'occasion, il ne dédaignait pas de verser son obol au Parti Socialiste. Oui, un homme prudent, donc. Ouais, on peut voir les choses comme ça. Ouais. Hein. Mais pour Kodama, son principal intérêt était qu'il était le grand ami de Tanaka. Parfaitement, oui. Et quel accueil lui réserve Osano? Le milliardaire l'écoute très attentivement. Après tout, dans cette affaire de vente d'avions, il peut lui-même gagner beaucoup d'argent. Donc, il est tout prêt à aider Kodama du mieux qu'il le peut. Et il va commencer à le faire en aidant ce dernier à lever un obstacle important sur son chemin. Mmh, quoi alors? Ben, le président d'une autre compagnie aérienne japonaise, les All Nippon Airlines, s'est déjà déclaré en faveur du DC-10 de McDonnell Douglas. Mmh. Ça, c'est très gênant. Oui, ouais, car ça risque d'entraîner la Japan Airlines à préférer elle aussi ce fameux DC-10. Ouais. Donc il faut dissuader le président de l'autre compagnie, les All Nippon Airlines, de choisir cet appareil. Ah ben, vous avez tout compris. Et pour obtenir ce résultat, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que le bonhomme quitte les lieux. Ah oui, soit donc démis des fonctions de président. Oui, oui, dans un premier temps, grâce à l'argent de Lockheed, Osano, qui possède déjà des parts dans cette entreprise, acquiert de nouvelles actions, de façon à être en droit d'accéder aux informations internes sur la compagnie. Ensuite, Kodama agite ses yakuza spécialisés dans le chantage financier. Mmh. Comment les appelez-vous déjà, là? Les Sokaya. Ah oui. Alors, dans ce cas précis, que vont-ils faire, là? Ben, la veille du jour où doit se tenir l'Assemblée Générale des Actionnaires de cette fameuse compagnie aérienne, les Yakuza de Kodama font courir un bruit selon lequel le président serait compromis dans une affaire louche. De quelle nature? Un prêt factice qui lui aurait permis de quoi rafler 1 million de dollars. Au détriment de la compagnie? Ben, bien entendu, oui. Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dessous? Ben, aucun, non. Ça n'a aucune importance pour Kodama. Car le lendemain, lors de l'Assemblée Générale, ces Yakuza se mêlent aux actionnaires et réclament la vérité sur cette histoire de prêt bidon. Le résultat, c'est que le président s'affole, quitte même la salle et finit par démissionner. C'est quand même difficilement imaginable, hein? En France, sans doute. Mais pas au Japon, où la technique des Sokaya est très éprouvée. Sans doute faut-il aussi tenir compte de la mentalité japonaise, où il importe avant tout de ne pas perdre la face. En tout cas, la démission de ce dirigeant permet à Kodama de faire nommer à sa place un homme qui sera à sa botte. Et pour lui, c'est l'essentiel. Mmh. Ah, il va pouvoir lui vendre ses tristards de chez Lockheed. Bien entendu. Mmh. Ben, auparavant, il y a un petit problème à résoudre. Ces avions gros porteurs sont très bruyants. Et les riverains des aéroports, en particulier celui d'Osaka, sont alors très actifs et militent pour qu'on interdise ces appareils bruyants. Alors une nouvelle fois, Kodama va intervenir pour aplanir cette difficulté. Et il se trouve que l'un de ses bons amis, Sasakawa... Attendez, celui-là, c'est l'autre Kurumaku dont vous m'avez parlé. Hein, oui, c'est ça. Un homme lui aussi très riche, grâce à son monopole sur les paris des courses de hors-bord. Mm-hmm. Un sport très populaire au Japon. Mais Sasakawa, qui lui aussi a connu Kodama en prison, est également impliqué dans des dizaines d'autres affaires. Certaines parfaitement légales, d'autres un peu moins, car Sasakawa entretient des liens avec les Yakuza. Mais en l'occurrence, ce qui intéresse Kodama... c'est que son ami est président de l'association pour la prévention des nuisances aériennes. Ça tombe bien, hein. Ouais, ouais, ça j'ai du mal à y croire. Les deux compères avaient-ils prévu le coup et joué d'avance, ou bien Sasakawa, en prenant la tête de cette association, avait-il imaginé qu'elle lui donnerait l'occasion de faire du lobbying et de toucher au passage quelques pots de vin des compagnies aériennes? Là, franchement, je ne sais pas. En tout cas, bon, encore une fois, c'est parfait pour Kodama, hein. N'est-ce pas? Et moyennant espèces sonnantes et trébuchantes provenant directement des caisses de Lockheed, Sasakawa n'a aucun mal à convaincre ses adhérents que le Tristar n'est pas plus bruyant qu'un appareil ordinaire. Quant aux fonctionnaires des aéroports chargés de contrôler le niveau sonore des avions, bah, il suffit là encore de quelques billets et l'affaire est réglée. Alors le contrat est conclu? Pas encore. Mais dans sa compétition avec Boeing et Douglas McDonnell, Lockheed a manifestement pris une sérieuse avance. Un homme, en particulier, est impressionné par l'habileté de Kodama. Okay. Le président de Lockheed, naturellement, un certain Carl Kochian. Le Kurumaku traite maintenant directement avec lui. Ah bah oui, c'est plus simple. Et celui-ci, là, le Kochian, là, sait qui est réellement Kodama, son passé, ses relations avec la pègre? Ben, Kochian connaît bien le Japon, où il a déjà fait de nombreux voyages, donc il n'est pas mal placé pour avoir des renseignements sur le Kurumaku. Et plus tard, il l'avouera sans embâge... peu m'importaient les idées politiques et les relations de Kodama. Pour moi, c'était d'abord un excellent vendeur. Oui, c'est tout ce qui comptait pour lui, quoi. Bah, évidemment, car les affaires sont les affaires. Et un homme tel que Kodama n'a pas de prix. Kochian, avant même d'avoir vendu ses Tristars, a augmenté les mensualités du Kurumaku dans les proportions considérables. De l'argent noir? Ah bah, il peut pas en être autrement, car il sert non seulement à rémunérer Kodama, mais aussi des politiciens et des responsables de l'industrie aéronautique. Mais comment? Quand même, hein. Comment une entreprise américaine qui a pignon sur rue peut-elle faire passer autant d'argent noir au Japon? Oh bon, il existe de nombreuses méthodes. Enfin, j'y reviendrai. Pour l'instant, disons simplement qu'il fallait multiplier les intermédiaires avant que l'argent en liquide n'atterrisse dans le coffre de Kodama. Mais je poursuis. En 1972, Tanaka, donc le meilleur ami du Kurumaku Osano, devient Premier ministre. Ah, encore un point favorable pour Kodama. Là. Ben, bien sûr. Et maintenant, ça va aller très vite. Peu après son investiture... Tanaka rencontre Nixon à Hawaï. L'entrevue a d'ailleurs lieu dans un hôtel qui appartient à Osano. Ah, c'est encore un hasard. Pourquoi voulez-vous voir le mal partout? Enfin, quoi qu'il en soit, au cours de cette rencontre, les deux dirigeants abordent la question du déficit commercial des États-Unis dans ses échanges avec le Japon. Une question récurrente. Et très préoccupante pour les Américains, mais aussi pour tous les pays occidentaux. Nixon demande donc à Tanaka de faire des efforts pour réduire ce déficit. Et le Premier ministre japonais s'engage à acheter des avions civils états-uniens. Des Lockheed, par exemple? Oui. Alors se pose la question suivante. Qui a parlé le premier de Lockheed? L'américain ou le japonais? D'après certains journalistes, c'est Nixon qui aurait évoqué le premier Lockheed. Mais étant donné ce que je vous ai dit de Tanaka et de ses rapports avec Osano, lui-même lié à Kodama... il est bien plus probable que c'est le Premier ministre japonais qui a proposé que ces avions soient des Lockheed. Nixon aurait pu lui-même avoir des rapports privilégiés avec Lockheed, non? Et il aurait pu être influencé ou même acheté? Bah, pourquoi pas. Enfin, écoutez, on en a déjà tellement dit sur Nixon qu'il est inutile d'en rajouter. En tout cas, la rencontre entre les deux dirigeants est décisive. Dès son retour à Tokyo, Tanaka convoque le président de la compagnie des All Nippon Airlines et il lui enjoint d'acheter des Lockheed. Ouais. Kodama a gagné. Et ça se traduit pour lui par une véritable rivière de dollars. Bon, l'horizon ne va pas tarder à s'assombrir. Intéressons-nous un instant à ce Tanaka qui a joué un rôle essentiel dans l'affaire Lockheed. Lors de sa mort, en 1993, le correspondant du Monde à Tokyo, Philippe Ponce, écrit ceci. De modeste origine, mais doté d'une forte personnalité et d'un charisme certain, c'était un bâton. L'histoire récente a prouvé que l'on fut injuste en faisant de lui l'archétype du politicien corrompu. Son cynisme, son franc-parler, sa rudesse tranchaient avec la grisaille des autres barons du parti conservateur. Contrairement à eux, Tanaka jouait franc jeu. Avec plus d'éducation, peut-être, l'élite politicienne issue des bonnes familles et sortie des grandes universités, qui fit de Tanaka le bouc émissaire de la politique de l'argent, n'en a pas moins la même pratique du pouvoir. Tanaka centralisa les filières d'argent, noyauta les ministères, institutionnalisa la pratique d'achat des votes, il perfectionna un système préexistant et ses successeurs ne firent qu'appliquer ses recettes. La dégénérescence de la vie politique japonaise et son cortège de scandales au cours de ces dernières années l'ont prouvé. En dépit de ses travers certains, Tanaka comptera sans doute parmi les grands premiers ministres de l'après-guerre. Il dirigea le pays avec poigne, ne se contentant pas de gérer les affaires et d'arbitrer les conflits d'intérêts comme le firent ses successeurs. Le marché des Tristar est conclu en 1973. Mais déjà, Lockheed pense à vendre d'autres avions au Japon. Quel genre d'appareil, là ? Des appareils militaires, des avions de lutte anti-sous-marine. On estime alors que les forces aériennes japonaises pourraient acheter jusqu'à 100 de ces appareils. Un contrat considérable qui pourrait se monter à $1 milliard. Et qui engendrerait donc de formidables commissions pour Kodama. Et avant même la signature d'un contrat, le Kurumaku touche plusieurs millions de dollars. C'est dire la totale confiance de Carl Kotchian, le patron de Lockheed. Alors, revenons peut-être sur cette question délicate que vous évoquiez vous-même tout à l'heure. Comment faire passer au Japon des sommes en liquide aussi importantes ? Eh bien, Lockheed a fait appel à une firme de courtage monétaire, mais pas n'importe laquelle. Ça mérite une explication, ça. Eh bien, cette société, très discrète, a été créée par un nommé Nicolas Deck, un émigré hongrois installé aux États-Unis et qui a été pendant la Seconde Guerre mondiale un agent de l'OSS. Oui, le service de renseignement qui a ensuite donné naissance à la CIA. Hein, c'est ça, oui. La guerre finie, donc, Deck a fondé cette firme de courtage qui a rapidement connu un grand succès puisqu'il a créé des bureaux dans le monde entier. Mais pardonnez-moi ma naïveté, mais ça sert à quoi ce genre d'entreprise ? Ça sert essentiellement à rendre des services que les banques traditionnelles ne peuvent assurer. Et que la loi interdit ? Éventuellement. Il s'agit de se soustraire à la curiosité des impôts, par exemple, ou des autorités boursières. Lockheed a donc fait appel à une des officines de Deck, basée à Hong Kong, pour transmettre des fonds à Kodama. Bien sûr, ça ne s'est pas fait en ligne directe. L'argent est d'abord passé par la Suisse ou bien d'autres paradis fiscaux. Mais revenons à ce que vous disiez là. L'appartenance de Deck au service secret. Pendant la guerre, ouais. Il est certain que Deck a garné des liens avec les services. Et la CIA a utilisé ses bureaux pour financer tel ou tel. Des partis politiques, des organisations contre-révolutionnaires, des chefs d'État même. Au Japon, il est très vraisemblable que le parti au pouvoir, le PLD, qui a reçu des millions de dollars de la CIA, a reçu cet argent via les officines de Deck. Alors, pour aller encore plus loin, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que Kodama lui-même n'ait pas aussi été financé par la CIA ? Pour l'inciter à vendre des Lockheed ? Pourquoi pas, c'était des avions américains. C'est une possibilité. Mais si Kodama a touché de l'argent de la CIA, ce qui est très vraisemblable, c'était plutôt pour financer ses activités politiques. Toutefois, je ne peux pas en dire plus car je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que la CIA n'ignorait rien des dessous de table que distribuait Kodama avec l'argent de Lockheed. Ouais. Donc Washington savait. Assurément. Et quand le scandale Lockheed a éclaté à la Maison-Blanche, personne n'a été pris au dépourvu. Alors, ce scandale, comment éclate-t-il ? Je vais être très franc. Je ne sais pas à quel niveau s'est produite la fuite qui a alerté les parlementaires américains. Parce que le scandale va d'abord éclater aux États-Unis ? Non. Il a d'abord été précédé par toute une série de révélations publiées dans un mensuel japonais en 1974. Et c'est tout à fait étonnant car les journalistes japonais sur toutes ces questions de corruption et de crimes organisés se montrent en général assez peu curieux. Mais enfin, passons. Pour une fois, donc, les journalistes se montrent particulièrement perspicaces. Et ils mettent en évidence des sommes énormes d'argent noir, plus de 200 millions de dollars, qui alimentent le système politique. Tanaka est le premier visé. Premier ministre. Hein. Et que peut-il faire, alors ? Il prend d'abord l'affaire à la légère. Après tout, le Japon a connu d'autres scandales. Mais très vite, il doit faire face à de nombreuses questions. Et 15 jours après la publication de cet article, il est contraint à la démission. Alors, après avoir été amorcé au Japon, le scandale traverse le Pacifique. Comment ça se passe, ça ? Les membres du Congrès américain, à la suite des révélations du mensuel japonais, enquêtent pendant 6 mois. Et au début 1976, le président de cette commission d'enquête, un démocrate, Frank Church, annonce solennellement qu'il est en mesure de prouver que Lockheed, qui disposait d'une caisse noire, a distribué de nombreux pots de vin en Europe, mais surtout au Japon, et que dans ce dernier pays, elle a versé des millions de dollars à l'un des chefs les plus importants de l'extrême droite militariste japonaise. Kodama. Bien sûr. Et cherche de faire défiler à la barre des témoins tous les principaux citoyens nord-américains impliqués, à commencer par Carl Kochian, le président de Lockheed. Et Kochian à vous ? Bah, il peut guère faire autrement, tant les travaux des parlementaires sont accablants. Il détaille ainsi le montant des sommes qui ont été allouées à d'importants dirigeants japonais via Kodama, sans viser le premier ministre en place à l'époque, Kakue Tanaka, mais aussi de nombreux ministres et hauts fonctionnaires. Réaction au Japon, alors ? Le scandale est encore plus considérable qu'en 1974. Les Japonais, qui ne se faisaient pourtant pas beaucoup d'illusions sur l'honnêteté de leur classe politique, sont quand même ébahis. Ce qu'on appelle là-bas la brume noire, c'est-à-dire le système de corruption généralisée apparaît enfin au grand jour. Et au cœur de ce système, il y a Kodama, l'homme de l'extrême droite qui fait la liaison entre les Yakuza et le personnel politique. Et c'est sur lui que se concentrent les attaques de la presse. Exactement comme si les journalistes japonais, qui s'étaient trop longtemps gardés de s'intéresser à ses activités, voulaient se rattraper. Alors Kodama, bouc émissaire ? N'exagérons pas. L'ancien criminel de guerre avait beaucoup de choses à se reprocher. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'en concentrant les attaques sur le Kurumaku, on oubliait un petit peu les autres, ses complices politiques et les chefs Yakuza, et surtout, on amoindrissait leurs responsabilités. En tout cas, l'impensable se produit. Des policiers se présentent chez Kodama, perquisitionnent sa maison et saisissent ses dossiers, tandis que le fisc lance une enquête approfondie. Pour retrouver la trace des sommes versées par Lockheed ? Et en même temps, des manifestants assiègent sa demeure et le conspuent. Mais ils sont repoussés par la police et des commandos de Yakuza. La connivence toujours, ouais, hein, c'est ça. Ça veut tout de même dire que les Yakuza sont restés fidèles à Kodama ? Généralement, oui, même si certains chefs ont pensé que le mieux pour eux serait peut-être de le tuer. Ah oui, pour qu'il reste silencieux, quoi. Ouais, et d'autres, parmi ses relations d'extrême droite, lui ont carrément demandé de se faire harakiri, afin de laver son honneur et celui du Japon. Mais Kodama était déjà un homme âgé et malade. Il a d'ailleurs été victime d'une attaque quand le scandale a éclaté. Et il n'a pas eu le courage ou la force de se donner la mort. Et pourtant, à l'époque, il a bien failli mourir. Mais ça veut dire quoi, ça ? C'est une histoire très japonaise. Kodama avait un disciple, un jeune comédien aussi nationaliste que lui. Ce garçon a sans doute été aussi atteint que son idole par le scandale Lockheed. Et il a voulu en finir avec la vie, tout en tuant Kodama, qui, selon lui, avait failli. Et comment a-t-il procédé, alors ? Comme un kamikaze, un vrai kamikaze. Vêtu comme les pilotes qui allaient fracasser leurs appareils sur les bateaux américains pendant la guerre, il est allé louer un petit avion sous prétexte de réaliser un film sur les kamikazes. Et lorsqu'il a pris l'air, il s'est dirigé vers la maison de Kodama et a piqué sur le bâtiment. Malheureusement pour lui, si je puis dire, Kodama se reposait dans une autre aile de la maison. Le jeune homme est donc mort pour rien. Oui, triste histoire. Hein. Ouais. Et qu'est devenu ensuite le Kurumaku ? Manifestement, il était fini. Ses biens et ses actifs ont été saisis, et il a été condamné à une peine de prison jamais exécutée. Mais il avait désormais perdu toute influence, et il est mort dans sa maison où il a vécu, confiné, jusqu'à la dernière attaque qui l'a emporté. Ouais. Alors, revenons maintenant sur l'origine de la fuite qui a déclenché le scandale. Vous avez une idée ? Les hypothèses ne manquent pas. On peut facilement imaginer que c'est un rival de Lockheed qui a vendu la mèche. Ou alors un gang Yakuza qui refusait le projet de fédération initié par Kodama. Ou encore qui voulait la perte d'un autre gang soutenu par Kodama. À moins qu'il ne s'agisse simplement d'un adversaire politique. Adversaire de Kodama ou du premier ministre Tanaka qui allait forcément être compromis dans cette affaire et en payer les conséquences. Mais encore une fois, je ne peux pas être plus précis. D'accord. Pour une fois que vous faites preuve de modestie, vous avez quand même une idée. Celle-ci, par exemple. Il existait, peut-être, des gens aux États-Unis dans les services secrets, ces services où on allait procéder à cette même époque à un sérieux ménage, qui désapprouvait les relations scandaleuses qu'on entretenait avec un criminel de guerre lié à la pègre. Sur les suites judiciaires de l'affaire, je me suis reporté au très bon livre d'Alec Dubrow et David Kaplan, Yakuza. En même temps que Kodama et son secrétaire privé, 14 autres individus impliqués dans le scandale furent finalement inculpés. Parmi eux, Kenji Ozano. Au nombre des accusations, parjures, corruption et violation du contrôle d'échange, bien qu'il y eut au moins 4 politiciens manifestement impliqués dans l'affaire, les procureurs, faute de preuves suffisantes, n'en inculpèrent que 3. Le Premier ministre, le secrétaire général du PLD et le vice-ministre des Transports. Les procureurs requirent en 1981 une peine de 3 ans et demi de prison pour Kodama et une amende d'environ 3 millions de dollars. Mais le procès fut ajourné en raison de l'aggravation de l'état de santé de Kodama. Les conséquences du scandale furent ambiguës. Les relations des États-Unis et du Japon n'en furent pas sensiblement endommagées en dépit des premières craintes des fonctionnaires américains. Cependant, le public ne connaît pas encore tous les détails relatifs à l'affaire Lockheed. Les cours fédérales américaines ont veillé à ce que tout ne soit pas divulgué depuis l'intervention du secrétaire d'État Henry Kissinger en 1976 qui soutenait que la pleine ouverture du dossier porterait préjudice aux intérêts de la politique étrangère américaine. Précisons enfin que Tanaka, malgré une condamnation à 4 ans de prison, n'a non seulement jamais effectué sa peine, mais a continué une brillante carrière politique.